Vous voulez vous payer une bonne bouffe et vous avez peu de temps à votre disposition? Le restaurant Midas, c'est l'endroit idéal pour vous. Avec la pizza et l'excellent poulet frit qui font le délice de tous et qui est offert dans un délai rapide avec le sourire. Le restaurant Midas, 1084 route 169 à Saint-Félicien. 418-679-0900. Visitez notre page Facebook pour voir les différentes promotions. Toute l'équipe du restaurant Midas rappelle qu'acheter localement protège nos emplois dans la région. On va parler de la Ligue du Lac au Fleuve avec notre ami Mathieu Garon. Salut Mathieu. Ça va bien. En fin de semaine, évidemment, c'est le grand début. Il y a deux matchs au programme. Exactement. On a deux matchs qui vont commencer. Il va commencer samedi. Le premier match va être à Delbeau à 20h. C'est Charlevoix qui vont visiter l'équipe du concessionnaire. Et par la suite, on a Jonquière aussi. Donc, il y aura Jonquière à 20h30. OK. Donc, évidemment, les deux matchs, évidemment, auront lieu. Dis-moi, les équipes sont pas mal prêtes, ce que tu as pu voir? Oui, les équipes sont prêtes. Les alignements sont pas mal complétés. Il y a encore eu des transactions aujourd'hui. Ah oui, lesquelles? Entre excavation, Ossavard et Jonquière. C'était pour céder les droits de Charles Duchesne, qui est un résident de la baie, à Jonquière. En échange, au Coton obtient les droits sur Laurent Junior Labbé, qui a évolué pour Jonquière l'année passée. Donc, c'était la transaction qui a eu lieu aujourd'hui là, pour ça. OK. Aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un joueur du multiconcessionnaire, que ses droits appartenant au multiconcessionnaire, qui a été réclamé par une équipe. J'ai vu ça passer, ça se peut-tu? C'est arrivé la semaine prochaine. Il y a des choses à l'interne qu'on est en train d'essayer de regarder. Je ne peux pas dire exactement quel sujet que tu me parles. Là. Mais si je l'ai vu passer, c'est parce que probablement c'est pas à l'interne, c'est public. Là. Donc, honnêtement, je vois pas. Je vois pas de quel dossier tu me parles de quoi. Okay. Sujet-là, là. Okay. Je sais que, comme je dis, on a des discussions entre des équipes pour finaliser justement certaines affaires. Mais on n'a pas encore de discussion faite là-dessus. Là. OK. Ben Mathieu, on s'en reparle. C'est sûr qu'on n'a pas grand-chose à se dire parce que y a ces deux matchs au programme, le camp d'entraînement a eu lieu. On s'en reparle le jeudi prochain. Il n'y a pas de problème. C'est la chronique du Lac au Fleuve avec Mathieu Caron.